Salut, bon appétit. Tu reconnais pas les accords ? Et pourtant, il faut vivre, le sourire. Pourtant, il faut trouver le refrain. Tournez pour le refrain. Et pourtant il faut vivre. J'entends plus ma basse. ça va pas être possible, mon ordinateur doit marcher. Exact.